Chapitre 47e. Après un pénible noviciat dans l'un des grands hôpitaux de Blackford, Elisabeth obtint le diplôme de garde-malade. Malheureusement, sa santé, altérée par tant d'émotions et de fatigue, l'obligea bientôt à renoncer à ses nouvelles occupations et à rentrer chez sa tante Hardman. Le médecin de l'hôpital qui avait vu Elisabeth à l'œuvre la soigna avec la plus affectueuse sollicitude. Seulement, il ne se faisait pas d'illusions. Il savait que la force physique de la malade n'était pas à la hauteur de sa force morale, et qu'elle ne pourrait persister dans une œuvre dont l'apprentissage seul aurait pu lui être fatal. « Eh bien alors, lui dit-elle un jour, s'il en est ainsi, je me ferai maîtresse d'école. » Elle resta plus d'un mois clouée au lit par la fièvre. Quand elle fut en état de se lever, sa pâleur était effrayante. Dans sa longue robe de flanelle blanche, ancien présent de la bonne Miss Dora, elle ressemblait, comme a dit un poète, un clair de lune qui marche. Le docteur parlait de l'envoyer au bord de la mer dès qu'elle serait transportable. En attendant, elle restait presque toute la journée étendue sur une chaise longue près de la fenêtre ouverte, réfléchissant sur le passé et sur l'avenir. Les élections de Blackford approchaient. La grande ville manufacturière était en effervescence. La surexcitation gagnait tout le monde. La famille Hardman n'était pas sans ressentir le contre-coup de l'émotion générale. Les femmes de toutes les conditions, et je dirais presque de tous âges, ne se faisaient pas faute d'exprimer leurs vœux en faveur de tel ou tel candidat. Tout le monde semblait avoir voix délibérative dans le choix du représentant chargé de défendre au Parlement les intérêts collectifs du pays. Lizzie, par une lecture assidue des feuilles locales et des comptes rendus des meetings, suivait toutes les phases de la lutte et computait toutes les chances de succès ou d'insuccès de Morton. Les journaux de la localité annoncèrent qu'il était arrivé à Blackford et même qu'il était descendu au Royal Hotel. Enfin, le grand jour arriva. Elisabeth prenait part de sa fenêtre à l'animation extraordinaire qu'offrait la ville. Tous les véhicules de Blackford avaient été mis à réquisition. Il n'en était d'aucun qui semblait antédiluvien, tant ils étaient grotesques. Tout le monde était dehors. Enfin, les cloches se mirent à sonner à toute volée. Mais en l'honneur de qui? Ah, voilà ce qu'elle ne disait pas. Madame Hardman elle-même était sortie pour faire sa politique avec la fruitière du coin. Elle avait laissé sa porte ouverte, comptant rentrer immédiatement. Elisabeth avait fini par s'assoupir. Ses rêves la transportaient comme d'habitude à Tingley Manor. Un léger bruit la réveilla. Tout en s'étirant, elle balbutia. « Est-ce Monsieur Blake qui est nommé ? » « Répondez-moi vite, William. » Elle tournait le dos à la porte. C'était l'heure à laquelle son frère avait promis de rentrer pour lui annoncer la grande nouvelle. Il ne doutait pas que ce ne fût lui. « Oui, lui répondit une voix à elle bien connue. « Morton Blake est membre du Parlement et c'est lui qui vient vous apprendre son succès. » Elle voulut se lever, mais elle était trop faible pour se tenir debout et retomba sur son fauteuil à moitié évanouie. « Ah, que vous n'êtes pas allée amaigrie !» lui dit-il en soutenant Lizzie de son bras vigoureux. « Vous avez donc été bien malade. Comme vous voyez, mon cher Morton, et vous ne m'avez rien fait dire. J'ai excédé la mesure de mes forces, et il ne paraît pas probable que je puisse dorénavant me consacrer aux soins des pauvres. » Je songe à me faire maîtresse d'école. Chère Lizzie, vous avez toujours eu la noble folie du dévouement. Je le sais mieux que personne. Seulement, avant d'arrêter un nouveau plan, vous viendrez, n'est-il pas vrai, respirer l'air vivifiant de Tingley. Ma tante sera si heureuse du retour de sa fille adoptive. Vous êtes bien bon, Morton, mais je ne saurais revenir à Tingley. Même si ma tante vient vous chercher. Oui, ma résolution est irrévocable. Même si je vous apprenais que mes sœurs ont quitté Tingley, que voulez-vous dire ? Je leur ai annoncé mon prochain mariage et je leur ai fait entendre qu'à la suite de cet événement, leur position chez moi n'est plus la même. Elles ont compris ce que parler veut dire et elles sont allées se fixer ailleurs. Puis-je savoir le nom de votre fiancé ? Je vous le laisse à deviner. Est-ce Dulcie ? Non, Dulcie a trouvé ailleurs le bonheur. Elle est sur le point d'épouser M. Haldimand. Est-ce Lady Frances ? Lady Frances ? Répéta Morton en riant. Non, non, bien sûr, non. Nos goûts sont trop différents. Elle adore la chasse et l'équitation. Elle n'a jamais daigné songer un instant aux questions sociales qui absorbent toutes mes pensées et dont la réalisation est le but de mon existence. Elle ne serait pas plus heureuse d'être ma femme que je ne serais content d'être son mari. Alors je ne sais plus qui nommer. Promettez-moi de venir à Tingley et je vous l'apprendrai. Ma présence ne serait peut-être pas agréable à la future châtelaine de Tingley Manor. Si vous me considérez comme une sœur, elle ne verrait en moi qu'une étrangère, qu'une intruse, et me le ferait sans doute sentir. Votre refus va me mettre dans une bien fausse position envers mes sœurs. Comment cela ? Parce que je leur ai dit que j'allais me marier et que vous êtes la seule femme dont je souhaite ardemment, éperdument, la présence à Tingley. Morton, que voulez-vous dire ? Qu'après avoir quitté mon toit pour y avoir été insultée, vous devez y entrer en souveraine, en légitime maîtresse. Morton, pourquoi vous moquez ainsi de moi ? Non, ma chère Lizzie, non, je n'ai garde de moquer de vous. Il y a maintenant 2 mois que vous m'avez quitté, et pendant ce temps, j'ai pu me convaincre que vous êtes absolument nécessaire à mon bonheur. Votre amitié m'a d'abord guéri d'une première blessure. Vos charmes ont de nouveau fait battre mon cœur. Je vous aime, et je vous demande d'être ma femme. Vous ne pouvez songer sérieusement à élever jusqu'à vous une pauvre fille comme moi. Le rang de mon humble famille n'est pas à la hauteur de celui que vous occupez dans le monde. Je souffrirais trop si vous rougissiez de mes parents. Vous n'avez rien à craindre de tel en ce qui me concerne, ma bien chère Lizzie. La fortune a favorisé les entreprises industrielles de mon grand-père. Voilà la seule différence qui existe entre nous. Je préférerais qu'elle n'existe pas. Pourquoi cela, ma chérie ? Parce que si vous étiez pauvre, je n'hésiterais pas à vous dire que je vous aimais dès mon enfance, tandis que je crains, les circonstances étant données, que vous ne mettiez en doute la sincérité de mon amour. « Je vous crois sur parole, ma bien chère Lizzie, » répondit-il en la pressant tendrement sur son cœur. Elizabeth présenta ensuite Morton Blake, le nouveau représentant de Blackford, à tous les membres de sa famille, et il fit à Madame Hardman de grands reproches de lui avoir laissé ignorer la maladie de sa nièce. « C'est de sa faute, monsieur, plutôt que de la mienne. Vous la trouvez bien changée, n'est-il pas vrai ?»« Oui, mais j'espère que l'air de la mer lui fera du bien, » répondit-il à Madame Hardman. « Ma tante, Miss Blake, viendra la chercher ici demain. » En entendant prononcer ces mots, Jessie fit une petite moue très expressive. « Consolez-vous, Miss Hardman, car Lizzie ne restera qu'un mois au bord de la mer, et j'imagine qu'il vous faudra bien ce temps pour préparer votre toilette de demoiselle d'honneur. »« Que voulez-vous dire, petite sotte ?» s'écria Madame Hardman. « Il y a longtemps que je comprends, moi. N'avais-je pas dit dès le premier jour qu'il devait y avoir quelque amourette sous roche ? Je vous félicite de tout mon cœur de votre choix, Monsieur Blake, car Lizzie est vraiment digne de l'honneur que vous lui faites. Mais ce ne sera pas sans regret que nous serons privés d'une nièce si bonne et si charmante. Je n'entends pas que mon bonheur fasse le malheur de personne. Vous verrez Lizzie, et chez vous, et chez moi, Madame Hardman, car je compte aussi bien sur vos visites que vous pouvez compter sur les miennes. » On organisa un thé comme on n'en avait encore jamais vu, au 25 Milton Street, pour fêter les fiançailles d'Elizabeth Hardman et de Morton Blake. Le nouveau membre du Parlement semblait se trouver parfaitement heureux au sein de sa future famille.